3. Elle n'alla point trouver René en passant par la maison du parvis. Elle ne désirait pas de rencontrer sa tante Henriette. À la porte de l'usine, la concierge répondit que M. René devait être dans son bureau, en conférence avec M. Pierre. Elle savait son chemin. Elle traversa les ateliers vastes, et où elle entendit ses pas, où elle n'entendit que ses pas. Les machines étaient immobiles et mortes. N'avait-on pas tué ces bêtes domestiques, ces grandes araignées laborieuses? Anatolie croyait que l'usine des d'Auberville, devenue la chose de René qu'elle détestait, ne lui était rien. Et même quand elle avait appris la grève, elle s'était un peu difficilement obligée à n'en éprouver aucun plaisir de vengeance. Mais l'abandon qu'elle vit dans ces immenses locaux, où enfant elle passait des heures, à regarder les vives prouesses mécaniques, la troubla. Et elle se sentit comme péniblement dépaysée, de n'avoir plus autour d'elle le perpétuel ronronnement des métiers. Elle aperçut dans ce désastre une espèce d'ombre qui se faufilait, l'ombre d'un loup captif et poltron qui déambule et qui a l'air de chercher une issue, Bertrand. Il se cachait. Elle l'appela. « Eh bien, tu ne me dis pas bonjour ?» Il lui dit bonjour de loin. « Que fais-tu ? » ?»« Rien. » Déjà, il se sauvait. Elle lui demanda. « Où est l'oncle ?» Il fit un geste dans la direction du bureau et disparut. Quand elle fut à la porte du bureau, elle entendit les voix de Pierre et de René, la voix de Pierre plus retentissante et impérieuse. Ce qu'avait annoncé Laurent, elle le vérifiait. La différence des deux voix marquait la suprématie nouvelle de Pierre et, dans la calamité, le retournement du protocole ancien. « Entrez !» cria René. Elle entra, fort émue. René se leva et vint à elle, les jambes lourdes, la mine attendrie et murmurant « Oh, ma pauvre petite !»« Tu es revenue ?» dit Pierre. Et Pierre assez visiblement l'eût envoyée au diable. Elle dérangeait une conversation qu'il avait sans doute conduite avec un grand effort de diplomatie au moment de conclure. Mais l'oncle se montrait aimable. Il affectait de commander encore. Pierre dut approcher un fauteuil, débarrasser Anatolie de son ombrelle. L'oncle avait tourné de lui à elle. Les arguments de Pierre étaient au rancard. « Ma pauvre enfant, tu nous vois dans une triste situation. » Pierre le reprit. « Une situation difficile, mais non désespérée. » L'oncle insista. « Une situation désespérée. » Il regarda sévèrement Pierre. En présence d'Anatolie, il tenait à ne pas démordre de son idée. Le hasard fit que son affirmation la plus dogmatique tomba sur l'aveu de son découragement. Il était comique et lamentable. Ensuite, et sans cause apparente, il se mit en colère. Sa tête se congestionna. Il tapait du poing sur la table et prenait Anatolie à témoin. « Les gredins, je les ai trop grattés. Et voilà de quelle monnaie ils me payent. » Quand le chef de leur syndicat, leur secrétaire, vint m'annoncer que, faute de voir leurs revendications, stupides, agréées, ils me quittaient. D'ailleurs, je ne l'ai pas reçu comme secrétaire du syndicat. Mais il était là au titre d'un ouvrier. Je lui ai dit « Voyons, n'avez-vous pas chez moi des avantages que vous n'auriez pas ailleurs ?» Paiement d'un demi-salaire pendant les périodes militaires, en cas de maladie, le médecin, les produits pharmaceutiques. Enfin, mille choses. Sais-tu ce qu'il m'a répondu? Non, mais devine. On ne nous le doit pas. Je n'ai pas pu le faire sortir de là. On ne nous le doit pas, c'est-à-dire que je leur donne ce que je ne suis pas forcé de leur donner. Donc je suis bon. Donc je mérite leur reconnaissance. On ne nous le doit pas. Pierre intervint. Mais vous savez bien que c'est une affaire politique. Une entreprise électorale de ce petit bougre de... Tais-toi, fit l'oncle. Pour le moment, il recherchait, et sans autre motif que sa cordialité dolente, l'assentiment d'Anatolie. Il écartait les anciennes querelles. Anatolie, par complaisance, qui sait, pour tâter l'avenir réparti. Peut-être aboutirez-vous à une transaction. Mais alors il bondit. Ça non, rien, rien, rien. J'aime mieux crever. Du reste, je n'en suis pas là. Dieu merci. Et sans crever, j'ai le moyen de m'en tirer, sans mettre les pouces. Un moyen chic. Je ferme l'usine. Le lock-out. Alors, qui est le plus attrapé? Pierre sourit amèrement et murmura. C'est moi. C'est tout le monde, reprit Anatolie. Évidemment, les ouvriers pâtissent plus que personne. Ça fit René, c'est leur affaire. Mais vous-même, l'usine est votre vie. Non, c'était ma vie. Mais plus maintenant, je l'ai bien aimée. Mais je ne l'aime plus. Non, c'est fini. Elle m'en a trop fait voir. « J'ai 54 ans, c'est jeune pour se retirer, mais c'est vieux pour risquer de nouveaux déboires. Au bout du compte, j'ai de la fortune. Je rembourse mes commanditaires. Toi, par exemple, ma pauvre petite, que veux-tu? et je me repose. L'usine est bien l'usine. J'avais deux fils à qui la laisser. Ne parlons pas de l'un, puisqu'il est officier. L'autre, n'en parlons pas. Alors ? Il avait pris devant lui des papiers, n'importe lesquels, et il les examina, mais il ne les voyait pas. Anatolie et Pierre échangèrent un regard d'intelligence. Pierre, Anatolie le comprit, débattait son intérêt particulier, que l'oncle négligeait obstinément. Par la porte qui faisait communiquer le bureau de René avec la maison du parvis, un valet de chambre apporta une carte. « Ah, fit René, c'est Papejot, le député sortant. »« Vieil imbécile, que nous veut-il, le Papejot ? Je vais le recevoir. »« Dis donc, ma petite Anatolie, as-tu vu ta tante ?»« Madame est sortie, madame est chez madame Antoine, » dit le valet de chambre. « Ah, au surplus, ma petite, si ça ne t'ennuie pas, reste, tu vas voir un fameux idiot. Fais entrer. » Papejot était un vieux marchand de biens qui, depuis sa jeunesse, avait eu l'air de ne rien faire que de gérer une fortune vrondelette, et qui, sous les dehors d'une respectabilité accomplie, trafiquait soigneusement. Il avait traîné sans trop d'encombre 4 législatures à la Chambre, et il représentait à Castillac, sous les étiquettes de jour en jour plus accentuées, de progressistes, de républicains de gauche et de républicains démocrates, les opinions conservatrices. Il venait aux informations, et le cas échéant, il travaillerait. Les positions électorales étaient modifiées par la grève. Sa position à lui, Papejot, n'était pas drôle. Est-ce qu'on ne lui envoyait pas de Paris un candidat de sa nuance et qui, en outre, avait l'investiture du parti ? Comment fait Pierre de votre nuance, Magron ? Vous êtes donc radical maintenant ? René pensa blâmer la vivacité de Pierre. D'ailleurs, il était mécontent de Papejot, lequel n'avait pas empêché la grève. « Je suis radical, dit Papejot, à mon corps défendant. Je voudrais vous y voir, vous, par exemple. Mais leur Magron, ça m'est égal. Il ne m'aura pas. Celui qui pourrait bien m'avoir, c'est ce Bouvier. Or, ce Bouvier n'est qu'un agitateur de 4 sous. Et tout son prestige vient de la grève, de l'espoir qu'elle a suscité. Si la grève dure, la grève et son espoir, jusqu'au jour des scrutins, c'est Bouvier qui passe, et moi, je suis dans le lac. » René le regarda dans les yeux, se pencha vers lui. « Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ?» Papejot, comme s'il avait reçu un seau d'eau sur la tête, s'épongea fortement, et il reprit. « Monsieur de Berville, écoutez-moi, je ne fais pas de sentiments, et s'il ne s'agissait que de ma modeste personnalité, je n'abuserais pas de votre bienveillance. Mais il s'agit des idées que je représente. Si je ne suis pas renvoyé à la Chambre, c'est un coup terrible que reçoivent à Castillac les idées conservatrices. » « Mais non, fit Pierre, vous êtes radical, vous venez de le dire. » Et puis, dit René, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, les idées conservatrices ? Je suis manufacturier. Est-ce que les idées conservatrices ont empêché mes ouvriers de se mettre en grève ? Alors ? Laissez-moi donc tranquille, s'écria Papejot. Et n'allez pas me dire que les idées conservatrices vous sont indifférentes, quand votre fortune même vous dicte vos convictions. Eh bien, dit René, concluez. Voici. Vos ouvriers réclament, si je suis renseigné, la semaine anglaise et un relèvement des salaires. Les salaires, j'admets que vous ne puissiez pas les augmenter, mais la semaine anglaise... » René se fâcha. « Mon bon monsieur, que je relève les salaires ou que je diminue la durée du travail, c'est la même chose, je trinque. » « Il y a des sacrifices nécessaires, » répartit Papejot. « Et Pierre ?»« Oui, ceux des autres. »« Écoutez-moi, » reprit Papejot, « les grévistes tirent la langue, je le sais. Bouvier ne les tient pas sans difficulté. Si vous faites aujourd'hui ou demain, ces jours-ci, une petite concession... Vos ouvriers rentrent chez vous comme un seul homme. Dans une semaine, il n'est plus question de Bouvier. Alors ? Alors, fit René, vous êtes élu ? Ça ne me suffit pas. » Papejot se leva très dignement. C'est votre dernier mot, tant pis pour vous. Il se retirait. Pierre le retint sur le pas de la porte. Permettez, monsieur Papejot, vous nous avez dit, je crois, qu'à votre avis, Bouvier aurait du mal à tenir ses grévistes jusqu'au bout. Mais parbleu, oui, il est parti beaucoup trop tôt. « Alors, si je vous entends, avant 2 semaines, ils seront rendus. Et alors, qu'est-ce que vous venez nous proposer de faire aujourd'hui des concessions, qu'avant 2 semaines, nous n'aurons pas à faire ?»« C'est vrai, » cria René. « Je n'insiste pas, » dit Papejot. Et il sortit. « Quel affreux bonhomme !» fit Anatolie. « Ça, Pierre, » déclara René, « tu l'as pincé. Mais alors, quelle est son idée ? Si mes ouvriers rentrent et lâchent Bouvier avant 2 semaines, c'est tout ce qu'il lui faut, je ne vois pas. C'est trop clair. » S'il avait obtenu de vous cette concession, il se vantait de l'avoir obtenue. Il en profitait. Mais laissons ça. De tout son bavardage, un fait subsiste, si évident. Voyons, Anatolie, tu as suivi les déductions de Papejot. Il n'est pas nécessaire d'être un politique de profession pour conclure. Je t'en prie, conclue. » Anatolie se sentit pâlir, et ce qui l'avait frappé, elle le dit. « C'est que Poulain s'y est mal pris, que les ouvriers le lâcheront, et que vous n'avez qu'à continuer la résistance. » Pierre ouvrait les bras tout grand, et il ouvrait aussi la bouche comme si c'était lui qui parlait. « Ah ! S'écria-t-il, je ne le lui fais pas dire. » René, un instant, réfléchit, et il annonça. « Eh bien, c'est dit, la résistance. » Il voulut faire hommage de sa décision, non pas à Pierre, dont l'initiative triomphait. Il impatientait un peu, mais à la simple Anatolie. Et il sourit. « C'est toi, mon enfant, qui l'as décidé. » Elle détesta cette galanterie et crut qu'ainsi elle avait, sans profit pour les ouvriers, nuit à Poulain. « Mais non, dit-elle. » Et elle protestait. Pierre l'interrompit. « Résister, c'est bien. Vous savez que je suis pour la résistance. C'est bien, mais ce n'est pas tout. La défensive ne suffit pas. Prenons l'offensive. Il faut contre ce bousvier quelqu'un. Mais qui ? Ce Papegeot, un traître, et le radical de Paris. Nous ne comptons pas sur lui, n'est-ce pas ? Il nous faudra quelqu'un d'ici. Comme candidat ? Oui, comme candidat, contre Bouvier, pour en finir avec ce petit drôle. Seulement un candidat qui prendra les intérêts de l'usine. » René se leva. « Tu as raison, je me présente. »« Comme vous voudrez, mon oncle, répondit Pierre. « Seulement, il me paraît difficile que vous, patron, vous vous présentiez contre un ouvrier renvoyé. »« Ah, pourquoi donc ? Mais pas du tout. »« En cas d'échec, et puis nous parlons franc. »« Vous n'êtes pas populaire à Castillac. Les ouvriers, c'est assez clair, et les bourgeois vous en veulent. »« De quoi ? Mais de ne pas céder. Un bourgeois est un homme qui cède. » Pierre se tut. René vint à lui. « Tu veux te présenter ?»« Plus exactement, je veux bien me présenter. » Mais je ne le ferai qu'avec votre consentement, et, disons tout, avec votre aide. À moi tout seul, je n'ai pas les moyens. Voyez, comptez la dépense et les avantages. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 8 jours, le petit Bouvier, je lui fais son affaire. C'est bien, fit René, nous verrons ça. Je te rendrai réponse. Et l'offre de Pierre le tentait. Elle l'humiliait aussi. Pierre, de toute manière, se substituait à lui, patron. René se tourna vers Anatolie, comme si Pierre ne comptait plus. Il tâchait de lui adresser la parole, mais, tout à l'offre de Pierre, il ne trouvait rien. Il dit seulement « Tu n'as pas trop bonne mine. »« Non, avoua-t-elle, je suis très fatiguée, mais j'étais venue pour affaire. Voulez-vous me donner sur mon capital 20 000 francs ? J'espère que ça ne vous gêne pas. » René, un peu surpris, sut le dissimuler. « Me gêner, pas du tout. 20 000 francs, je n'en suis pas là. Je te donne un chèque, n'est-ce pas ? Nous disons 20 000 francs, tu ne veux pas davantage ? Voilà, d'ailleurs, s'il te faut davantage, tu sais où me trouver. Mais dis-moi, j'espère qu'il n'a pas couru de mauvais bruit sur mes affaires. Tu peux être tranquille, tu sais, parfaitement tranquille. La côte ou résistance, tout va bien. » Et Anatolie, plus lasse qu'elle n'était arrivée, pliait son chèque, le rangeait dans son carnet, puis dans son sac. Pierre lui demanda. « Fais-tu quelques voyages ? » ?»« Non, répondit-elle, aucun. Je suis venu passer ici quelques semaines. Après cela, je retourne à Paris. » « T'y plais-tu ? » fit René. Mais Pierre insista. « De la part d'un vieux cousin, ce n'est pas indiscret. »« Si, reprit-elle, c'est indiscret. Mais qu'importe, je n'ai pas à me cacher. Il y a des enfants malades chez les grévistes, et puis tous, ou à peu près tous, enfants ou non, malades ou non, sont dans la misère. C'est bien leur faute, lança René. Que ce soit ou non leur faute, j'ai pitié d'eux. Et dans la mesure où je pourrais le faire, je me suis promis de leur venir en aide. C'est bien ça, fit Pierre, je le devinais. « Écoute, Anatolie, ta pensée est charmante, et je sais le bon cœur que tu as. » Très doucement, elle répliqua. « Laisse mon cœur, il ne s'agit pas de cœur. Dans ce que tu vas me dire, dans ce que je vais te dire, tu le sais donc ? Et si tu le sais, tu n'es pas frappé de l'inconséquence ? Je n'en suis pas frappé. » Pierre, avec sa volonté de résistance impitoyable, l'avait choqué. Et puis, surtout, c'était à l'adversaire de Poulain qu'elle ripostait. « Comment ? » s'écria-t-il. « Nous sommes en guerre ouverte avec nos ouvriers. Il y va du sort de l'usine. Nous avons décidé la résistance. Toi-même, tu l'as dit, que nous devions résister. »« Non, pas du tout. J'ai dit que les renseignements apportés par l'affreux Papegeot vous permettaient logiquement de résister. »« Eh bien, alors, c'est à qui tiendra le plus longtemps ? Toi, tu nous affaiblis et tu fortifies l'adversaire. C'est une besogne de révolution. »« Non, c'est une besogne de charité. »« Tu fais le jeu de nos ennemis. »« Non, je soigne les blessés. » Les blessés de nos ennemis. C'est qu'il n'y a pas de blessés chez vous. Ah, tu crois ça ? Il montra l'oncle qui, dans son fauteuil, était accablé. Ses yeux, plus immobiles que jamais, contemplait une feuille de papier blanc. Il ne semblait pas écouter la querelle, mais il l'écoutait passionnément, et pour entrer dans une polémique où les ripostes étaient si promptes, il ne manquait avec chagrin que d'agilité. « Regarde-le, » dit Pierre, parlant de lui comme d'une chose inanimée. La chose inanimée soudain remua. « c'est bon, » fit René. « Je ne veux pas de compassion. Je ne demande rien à personne. Je fermerai l'usine. » Alors reprit René, « regarde-moi. » De ses deux paumes, violemment, il avait frappé ses pectoraux et il restait ainsi devant un atelier, comme s'il lui disait « Regarde-moi, je suis jeune, fort. Si le patron fait le lock-out, je n'ai plus d'ouvrage. » Et elle était prête à lui répondre « Tu es un, et ils sont 4000. » Mais cet argument du nombre auquel on sacrifie les unités, elle le réprouvait. N'était-ce pas l'argument des socialistes, et ne l'avait-elle pas reproché à Paulin ? « On ne sait plus à qui l'on nuit, » songea-t-elle. Puis il lui vint la pensée de Laurent, si doux et bon pour elle, et qu'il l'aimait avec tant de fidélité charmante, et qu'elle avait déjà tant fait souffrir, et que maintenant, si à cause d'elle René fermait l'usine, elle ruinait. Elle sentit qu'elle s'égarait parmi trop d'incertitudes. Dans le silence où la laissait l'indignation de Pierre et de René, elle se ressaisit. « Pierre, dit-elle, je ne sais pas à quel moment tu as tort dans tes raisonnements. Je ne m'y débrouille pas. Tu es en colère et je suis troublé. Mais tu as tort, j'en suis certaine. Ton opinion n'est évidemment pas juste, et elle m'interdit de faire la charité, sans aucune arrière-pensée que de diminuer une grande douleur que j'ai vue. » Pierre l'examinait tout droit dans les yeux. « Sans aucune arrière-pensée ? Aucune !» Anatolie ne doutait pas que Pierre ne la soupçonnât de favoriser Paulin. Et cette allusion peu voilée lui fit l'effet d'une insolence. « Nous verrons, dit Pierre. En tout cas, il y a un fait. Nous sommes les grévistes et nous, en guerre. Toi, tu es l'un des commanditaires de l'usine. Si, pour des motifs que j'ignore, et mettons pour des motifs de simple charité, tu secondes la grève, eh bien tu trahis. » Anatolie, ainsi, n'entendait parler que de trahison. Mais aussi le sentiment de la lutte, si bien déclarée, si ardente, l'excitait. Et avec quelle joie, quelle vive curiosité, elle, si prompte à l'énergie et si chaude de cœur, n'eût-elle pas dans cette lutte pris son parti ? Seulement, d'un côté comme de l'autre, elle ne voyait qu'égoïsme et dureté. Paulin, qui croyait préparer à l'humanité de beaux jours, l'aurait touché. Et pareillement, Pierre, si fougueux à défendre l'usine, avait sa grandeur d'homme que rien ne divertit de sa tâche, dûment acceptée. Mais Paulin, premièrement, guignait un siège de député. Pierre, la possession de l'usine, et la douleur immense sur laquelle se bâtirait la fortune de l'un ou celle de l'autre, n'apitoyait ni l'un ni l'autre. « Adieu, dit Anatolie, tu perds ton temps et moi le mien. Nous ne nous entendrons jamais. Tout ce que je pense et qui m'emplit le cœur et me prouve que j'ai raison te ferait sourire. Adieu. » Il ajouta, et avec trop d'acharnement, « Ne trahis pas. » Elle dédaigna l'insolence. Une infinie tristesse était tombée sur sa pensée. Elle tendit la main à Pierre et lui dit « Toi non plus, ne trahis pas. Il paraît que c'est difficile. » Henriette entra. Elle apportait elle-même, par un surcroît d'attention, le thé, le pain beurré, les biscottes que prenait René à 5 heures. Et elle l'embrassa tendrement sur la tempe. « Tiens, mon chéri, je savais qu'Anatolie était à Castillac. Pauline m'a dit qu'elle t'avait rencontré à l'église. » Entre la tante et la nièce, il n'y eut guère d'épanchement. Anatolie partait. L'arrivée de sa tante n'était pas pour la retenir. Elle entendit Henriette dire à René « J'ai sermonné Pauline. Elle n'est sortie qu'1 heure après le déjeuner pour aller à confesse. »